désert connaît ton nom. Et moi, j'ai reconnu ton odeur. Y'avait ce petit clan qui montait le ton, fermait sa base à triple fond, mais j'suis passé une nuit, le silence dans les bottes. J'ai compté chaque clou de leur coffre en stock. Tu peux cadenasser l'acier, mais pas l'odeur de la peur dans l'air. Un feu, c'est un chien jaune. Je sais que vous êtes tous là derrière. Chaleur et poussière, des balles et des prières. Ta forme est toute la semaine, mais je suis le voleur que la nuit ramène. T'as mis ton cœur dans chaque plan, mais t'as pas vu venir l'ancien. Reste, pardonne pas les rêveurs, juste ceux qui tirent les premiers à l'heure. Laisse une torche, juste une trace, que tu saches que je suis passé par là. Chaleur et poussière, plus rien dans ta cuisinière. T'as rêvé d'une paix passagère. Moi l'orage dans l'arrière-pièce. Ton histoire s'arrête à mon pas.